Join me on R.I.G. Oh, le marché, c'est le compte toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Ça y est, c'est reparti. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet, je vous accompagne jusqu'à 22h dans les studios de RIG 90.7 pour ceux qui peuvent le recevoir en FM dans la région bordelaise. Et pour tous les autres, c'est sur www.rigfm.fr. La saga des Fab Four a été créée en 1984 et elle dure. On dirait qu'il y a des piles dedans. Et allez savoir, je ne me suis jamais regardé à l'intérieur pour voir ce qui se passait. L'album de la semaine de cette 458e édition de la saga des Fab Four, c'est Postcards from Paradise de Ringo Starr en 2017. On écoutera Rory and the Hurricanes. On écoutera également You Bring the Party Down. Il y aura Bridges, puis Postcards from Paradise, donc le titre et la chanson. Puis aussi Right Side of the Road. Et on terminera par Let Love Lead. Mais il n'y aura pas que du Ringo Starr, ça n'est pas un 100% Ringo. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du McCartney et des Beatles. Pour Ringo Starr, c'est déjà fait. Pour Lennon, ce sera God sur Plastic Ono Band en 1970. George Harrison nous chantera Run of the Mill sur All Things Must Pass en 70 aussi. Toujours en 70, ce sera Paul McCartney pour nous chanter Sing Along Junk. Je crois que justement c'est la version instrumentale, puisque c'est Junk la chanson et Sing Along Junk c'est juste l'instrumental, et j'avais envie pour une fois de vous le proposer. Les Beatles, ce sera I've Got a Feeling, et il y aura plein d'autres choses puisqu'on a 30 titres de programmés dans cette émission, la numéro donc 458. Vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on discute, c'est le topic qui est tout en haut avec la photo de Ringo Starr et l'album justement qui s'appelle Postcards from Paradise. Voilà, eh bien il ne reste plus qu'à laisser couler la musique et je vous souhaite une très très bonne soirée. La saga des Fab Four, c'est uniquement sur Bordeaux. C'est émis depuis Blanquefort, depuis la radio RIG 90.7 qui est la radio des Beatles le mercredi soir entre 20h et 22h02 à peu près. Premier titre, Rory and the Hurricanes sur RIG. Going so whole was the place you had to go. It's where everyone was made. Down to the Two Lives Cafe, that's where Tommy Steele would play. To London town, we didn't do much hanging around. I was with you know who. I played the drums like I always do. Écrivain, là, il va falloir vous décider à sortir un livre sur Ringo Starr, parce que la seule information que je peux avoir sur cet album-là, c'est Postcards from Paradise et le 18e album studio de Ringo Starr, sorti le 31 mars 2015. Point. Après, on dit simplement, par exemple, la première chanson, Rory Storm and the Hurricanes, fait référence au groupe du même nom, dans lequel il jouait avant de rejoindre les Beatles au début des années 60. Oui. Et après, c'est tout ce qu'on sait, pratiquement. Sauf que, si, le petit truc sympa sur cet album-là, c'est que dans sa critique pour le site AllMusic, Stephen Thomas Ellerwine décrit Postcards from Paradise comme aussi amusant à écouter qu'il a dû être à produire. Et il lui donne quand même 4 étoiles sur 5. C'est bien comme quoi il vieillit bien, le père Ringo. Là, c'est le testament des Beatles. Je vous dévoile la fin dès le début. Je ne crois plus aux Beatles. Eh bien moi, en 2020, j'y crois encore. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. Concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. We'll be right back. just believe in me. Look on me. That's reality. Ans déjà. God peut être à juste titre considéré comme le joyau de l'album. Lennon nous offre alors la description la plus explicite de ses opinions et de ses perspectives à l'été 1970, soit deux mois après la séparation officielle des Beatles, confirmée par le départ de Paul le 10 avril. La chanson débute par une évocation assez cohérente de la pensée religieuse de John, pour qui Dieu est une abstraction qui réside en fait au cœur des humains eux-mêmes. Il insiste ensuite en répétant cette assertion. Ayant fait le plus gros, il énonce ensuite tous les concepts de moindre importance en lesquels il n'est plus disposé à avoir foi. La magie, l'occulte, le mysticisme sont écartés. Jésus, Bouddha, les Kennedy, la monarchie, Elvis Presley et même Bob Dylan, sous son vrai nom, Zimmerman, sont aussi rejetés, tandis que la chanson se poursuit et prend de l'ampleur à mesure que la liste se déroule. Mais le désaveu le plus puissant de tous, en un sens, le plus choquant, est gardé pour la fin. Il ne croit plus, dit-il, aux Beatles. La litanie se termine abruptement pour faire place à une pause dramatique suivie de l'affirmation tranquille de la seule certitude qu'il lui reste. Il croit en lui-même, avec lui et Yoko. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Le passage final est le plus poignant. Il y annonce « The dream is over », le rêve est fini. Calmement et froidement, il enterre le mythe des Beatles et conseille à tous, fans et membres du groupe, de le laisser en paix. John avait toujours mal vécu l'idée que Paul avait pris l'initiative de la rupture et insisté sur le fait que cette décision était venue de lui. L'annonce officielle de McCartney l'avait pris par surprise. Si John ne pouvait être le premier à annoncer la nouvelle, alors il serait celui qui écrirait l'éloge funèbre. Ainsi fut fait. Everyone has que vous avez chanté les paroles pendant cet intermède musical instrumental. J'ai bien aimé. Ça m'a rappelé, alors que c'était pas comme ça, mais ceux qui ont un peu plus de, on va dire, 30 ou 40 ans, se rappellent qu'à l'époque, il y avait un petit train qui passait, je crois, sur France 2, qui s'appelait Antenne 2 à l'époque, pour la fin des émissions, ou quand ça s'appelait l'interlude. Et c'était assez marrant. C'est pas du tout la même musique, mais ça m'y fait penser. Oh, écoutez, hein, bon. C'est l'avant-dernière émission, oui, parce qu'il y en aura une la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on fera un match amical avec mon ami Eric Gallo. Ce sera des versions rock, forcément, puisqu'ils ont tous les deux, tous les cinq, on va dire, puisés dans le rock. Les Beatles, des versions rock'n'roll. Et les mêmes versions, soit en français, soit aussi en anglais, de Johnny Hallyday. On fera chacun une chanson. Ce sera plutôt sympa. Ce sera pour le 24 juin, ça. Donc, cette fois-ci, c'est l'avant-dernière. Et après, on s'arrêtera pendant 2 mois de la saga des Fab Four. On vous proposera pendant 1 mois une émission qui s'appelle Salut les Bronzés, qui est tout ce que nous aimons, sauf les Beatles et Johnny Hallyday. On en reparlera. On vient de parler des Beatles, parlons de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Everybody had a good year. I feel everybody had a higher now. Oh no. sur Let It Be, forcément, I've Got a Feeling, une chanson de McCartney, I've Got a Feeling, et une chanson de Lennon, Everybody Had a Hard Year, mixées ensemble, et c'était ça le génie des deux, c'est qu'ils arrivaient à faire un truc extrêmement bien en mettant deux chansons ensemble, voire trois, voire quatre, voire plus. Si on revenait à l'album de la semaine, c'est l'album Postcards from Paradise, en 2015, de Monsieur Ringo Starr. Voici un nouvel extrait, You Bring the Party Down. Du bon travail, Ringo Starr. On l'aime de plus en plus dans la saga et c'est tant mieux. Je vous propose deux masterpieces. En 1995 et 1996, Ringo, George et Paul se réunissent avec un petit bout aussi de John et font comme s'ils étaient tous les quatre ensemble pour faire deux chansons. Free as a Bird, Real Love, il y aura aussi Now and Then qu'on écoutera un petit peu plus tard. Voici les deux chansons qui nous ont fait pleurer en 95 et 96 comme si les Beatles étaient encore là. que de souvenirs liés à ces deux chansons sorties respectivement en 95 et 96. On a la troisième, vous le savez, même si officiellement elle n'est pas sortie. Je pense que l'équipe de McCartney a dû la publier discrètement. Et elle est drôlement bien. Elle est très très bien. On l'écoutera un petit peu plus tard. Je voudrais vous faire un petit détour par John Lennon qui, en 1972, sortait un album plutôt mauvais. C'est l'album Sometime in New York City, parce que trop politisé, sûrement, et avec un peu trop de Yoko Ono dedans aussi. Mais toujours est-il que si c'était le plus politisé des Beatles, il avait malheureusement aussi raison bien souvent, parce que depuis 1972, ça n'a pas tellement changé. Voici « Woman is the nigger of the world » sur RIG. va dire quand même que pour l'essentiel, le message des quatre de Liverpool, c'était ça. Love comes to everyone. L'amour vient à tout le monde. J'espère. C'est surérigé et c'est dans la saga des Fab Four numéro 458. C'est George Harrison qui le chante en 1979 sur un album qui s'appelle George Harrison. Qui est sorti en 1980, I'm in Mine de George Harrison, qui parle de ses chansons. Il est très avare en détail sur celle-là. Il dit « Love comes to everyone ». J'ai démarré cette chanson en automne de 1977 et j'ai écrit les paroles à Hawaï en février 78. L'air était inspiré par un effet de la pédale de la guitare avec la pédale d'un boîtier qui s'appelle Roland. C'est difficile, je sais pas trop comment le traduire parce que en plus je suis pas musicien. Mais bon, je sais qu'au sol ils ont des boîtiers et quand ils appuient sur un truc ça fait un effet. Voilà. Eh bien, il avait trouvé un effet sympa et ça lui a inspiré une chanson. Et il dit simplement, les paroles sont très optimistes. Point. C'est tout ce que vous saurez. Voici l'album de la semaine, Postcards from Paradise de Ringo Starr et Bridges. Take a chance on what's ahead, you'll never know. And down every road you come to bridges. Some are crossed and some get burned. And some you tear down and new ones get built from what we learn. On va rester avec Paul McCartney. Voici When the Night. C'est bien aussi, c'est sur Red Rose Speedway. À suivre sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 458, deux chansons musclées. Et si vous êtes à table actuellement, eh bien je vous invite à vous lever de table et à danser parce que c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Donc nous allons vous proposer Birthday qui sera suivi par le titre le plus long de la discographie des Beatles qui pourtant en titre de travail s'appelait simplement Come On Come On. Le titre suivant sera aussi « Everybody's got something to hide except me and my monkey » à suivre sur RIG dans la saga des Fab Four. Alors si c'est l'anniversaire de quelqu'un, bon anniversaire! We're gonna have a good time. pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? De mal, mais quelle accroche de basse, on l'entend drôlement bien. Et qui est-ce qui joue la basse souvent? Bon, allez, l'album de la semaine, c'est Postcards from Paradise de Ringo Starr, sorti en 2015. Voici le titre même, l'éponyme, la chanson éponyme, Postcards from Paradise. Il ne s'est pas embêté, il a choisi des chansons dans les paroles, des chansons des Beatles, on y reviendra juste après. Search here, there, and everywhere until I saw you standing there. I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie. I your face, here comes the sun. Like I said the night before, I love you when I'm 64. Un petit peu, seulement un petit peu. I search here, there and everywhere. 1. Until I saw you standing there. 2. I'm the greatest fan of you. 3. And love is all I've got to do. 4. It's all too much, my little child. 5 et 6. And if you would be my honey pie, 7, 8 days a week, you will be mine. 8. In getting better all the time. 9. Et on aurait pu continuer. Donc voilà. C'est une chanson plutôt sympa et moi je l'aime bien. Sur l'album Postcards from Paradise, qui est l'album de la semaine de cette 458e édition de la saga des Fab Four sur RIG. On en est à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par les Beatles ou même en solo et que quelqu'un reprend. Ça pourrait être vous d'ailleurs. Et justement, aujourd'hui, c'est vous qui reprenait une chanson que j'ai trouvée sur internet dans gentiment sur la page de la saga. Ça s'appelle les Quarantines. Les Quarantine Traveling ou Quarantine Wildberries. Voilà ce qu'il chantait, une reprise de Handle with Care, me semble. C'est plutôt très très bien. Situations tolerable, but baby, you're adorable. tonight's cruise, heaven me with care. Been stuck in airports, terrorized, sent to meetings, hypnotized. Merci, je voulais savoir les noms. Alors j'avais noté qu'une seule personne, c'est Michael Benjeloun. J'espère que je ne prononce bien son nom. Et j'ai marqué Benjeloun and Friends parce qu'ils sont un paquet. Ça a été fait pendant le confinement. Et franchement, il y a du talent. C'est très très bien, j'aime bien. Merci à vous. C'était donc la cover. La suite, eh bien, c'est la version originale, les Traveling Wilburys. Changeable situation. saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. Sortir dans les à la fin des années 80, vers 87, un truc comme ça, hein, comme dit Eric. Pick Picrate. Non, pas Picrate, il dit Tipiak. Voilà, Tipiak, pas Picrate. N'importe quoi. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Eric, ça n'a aucun rapport avec n'importe quoi. Dans quelques minutes, ce sera, dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Johnny de A à Z. Et voici la chanson dont on avait parlé tout à l'heure quand on a parlé de Free as a Bird et de Real Love. Si nous retrouvions l'album de la semaine, c'est Postcards from Paradise. Et un conseil de Ringo qui dit, il faut être du bon côté de la route, right side of the road sur RIG. What you doing, it's not what you do. The only one you're fooling isn't me, it's you. Try to tell ya, you're carrying a much too heavy load. You're on the right side of the wrong side of the road. Heading for disaster, something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. No, no, no. You're on the right side, off the wrong side of the road. Somebody already told me, oh, just what I'm telling you. I've learned, ask anybody who knows me. I believe you can do it too. too. Le titre le plus triste de John Lennon, le voici. C'était sur l'album Walls and Bridges et c'est Nobody Loves You When You're Down and Out. On pleure tous ensemble dans la joie et la bonne humeur sur RIG. Do I love you? Cette ballade colossale trouve son origine dans l'une des pires périodes de la vie de John. Il était séparé de la femme qu'il aimait et sa carrière était au plus bas. Un mélange inarticulé de cynisme et d'apitoiement sur son propre sort, Nobody Loves You a le mérite indéniable d'être sincère. Elle exprime exactement ce que j'ai ressenti durant toute la période où j'ai été séparé de Yoko, expliqua-t-il à Playboy. John a toujours gardé à l'esprit la façon dont Sinatra aurait pu la chanter et l'ambiance mélancolique de Fin de nuit rappelle les piliers de bar désabusés de One for My Baby ou de In the Wee Small Hours of the Morning, le titre lui-même étant une variation sur celui d'un vieux classique du blues Nobody Knows You When You're Down and Out de Jimmy Cox que John connaissait au moins pour la version qu'Eric Clapton avait enregistrée en 1970 sur l'album Layla and Other Assorted Songs de Derek and the Dominoes qui était un pseudo. En tant que déclaration magistrale de la position de John au milieu des années 70, Nobody Loves You forma un triptyque avec God, qui ouvrit la décennie, et Starting Over, qui la referma. Ode à son mariage, c'est aussi un message à sa génération vieillissante et au public qui lui avait tourné le dos. Dans God, il avait programmé la fin des illusions de la jeunesse. Dans Starting Over, il annoncerait que son existence avait un nouveau sens, mais à mi-chemin entre ces deux résolutions, il était simplement épuisé, abattu par la confusion qui régnait alors dans sa vie. L'élément clé de la chanson est certainement le portrait que John dresse de lui-même, celui d'un homme qui est allé de l'autre côté et est revenu pour raconter ce qu'il avait vu. Il avait, en d'autres termes, l'impression de remplir le rôle du chaman dans un monde moderne dirigé par des médias où les rêves des gens sont façonnés et personnifiés par des artistes. Ce n'était pas ce qu'il avait cherché à devenir, mais les exigences de la célébrité l'avaient presque tué. C'est d'ailleurs ce qu'elle ferait quelques années plus tard. Hélas, oui. Maintenant, Girls' School, sur RG. Three cheers for the girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip.

l'excellent album Revolver, sorti en 1966, She Said, She Said. Une dernière fois l'album de la semaine, Postcards from Paradise, et le titre, Let Love Lead. Toujours le message d'amour des Beatles, toujours. Franchement, c'est bien. C'est extrait de l'album Postcards from Paradise de 2015 de Ringo Starr. Voici la dernière chanson de la saga, Last Night, avant de laisser la place à Eric pour Johnny de A à Z. Last night, thinking about Looking Bad Last Night. Allez, maintenant, une petite demi-heure de musique en attendant le temps de tout nettoyer. Et tout à l'heure, ce sera Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut.